Chapitre 27. En mer, mai 1877. Depuis deux jours, la grande voix sinistre gémissait autour de nous. Le ciel était très noir. Il était comme dans ce tableau où le Poussin a voulu peindre le déluge. Seulement, toutes les nuées remuaient, tourmentées par un vent qui faisait peur. Et cette grande voix s'enflait toujours, se faisait profonde, incessante. C'était comme une fureur qui s'exaspérait. Nous nous heurtions dans notre marche à d'énormes masses d'eau, qui s'enroulaient en volutes à crêtes blanches, et qui passaient avec des airs de se poursuivre. Elles se ruaient sur nous, de toute leur force. Alors c'était des secousses terribles et de grands bruits sourds. Quelquefois la Médée se cabrait, leur montait dessus, comme prise, elle aussi de fureur contre elle. Et puis elle retombait toujours, la tête en avant, dans des creux traîtres qui étaient derrière. Elle touchait le fond de ces espèces de vallées qu'on voyait s'ouvrir, rapides, entre de hautes parois d'eau. Et on avait hâte de remonter encore, de sortir d'entre ces parois courbes, luisantes, verdâtres, près de se refermer. Une pluie glacée rayait l'air en longues flèches blanches, fouettait, cuisait comme des coups de lanière. Nous nous étions rapprochés du nord, en nous élevant le long de la côte chinoise, et ce froid inattendu nous saisissait. En haut, dans la mâture, on essayait de serrer les huniers, déjà au baril. La cape était déjà dure à tenir. Et maintenant il fallait coûte que coûte marcher droit contre le vent, à cause de terres douteuses qui pouvaient être là derrière nous. Il y avait 2 heures que les gabiers étaient à ce travail, aveuglés, cinglés, brûlés par tout ce qui leur tombait dessus, gerbes d'écume lancées de la mer, pluie et grêle lancées du ciel, essayant avec leurs mains crispées de froid qui saignait de crocher dans cette toile raide et mouillée qui ballonnait sous le vent furieux. Mais on ne se voyait plus, on ne s'entendait plus. On en aurait eu assez, rien que de se tenir pour n'être pas emporté, rien que de se cramponner à toutes ces choses remuantes, mouillées, glissantes d'eau. Et il fallait encore travailler en l'air, sur ces vergues qui se secouaient, qui avaient des mouvements brusques, désordonnés, comme les derniers battements d'ailes d'un grand oiseau blessé qui râle. Des cris d'angoisse venaient de là-haut, de cette espèce de grappe humaine suspendue, cris d'homme, cris rauques, plus sinistres que ceux des femmes, parce qu'on est moins habitué à les entendre, cris d'horrible douleur, une main prise quelque part, des doigts accrochés, qui se dépouillaient de leur chair ou s'arrachaient, ou bien un malheureux, moins fort que les autres, crispé de froid, qui sentait qu'il ne se tenait plus, que le vertige venait, qu'il allait lâcher et tomber. Et les autres, par pitié, l'attachaient pour essayer de l'affaler jusqu'en bas. Il y avait 2 heures que cela durait. Ils étaient épuisés. Ils ne pouvaient plus. Alors on les fit descendre pour envoyer à leur place ceux de bâbord qui étaient plus reposés et qui avaient moins froid. Ils descendirent, blêmes, mouillés, l'eau glacée leur ruisselant dans la poitrine et dans le dos, les mains sanglantes, les ongles décollés, les dents qui claquaient. Depuis 2 jours on vivait dans l'eau, on avait à peine mangé, à peine dormi, et la force des hommes diminuait. C'est cette longue attente, cette longue fatigue dans le froid humide, qui sont les vraies horreurs de la mer. Souvent les pauvres mourants, avant de rendre leur dernier cri, leur dernier hoquet d'agonie, sont restés des jours et des nuits trempés, salis, couverts d'une couche boueuse de sueur froide et de sel d'un magma de mort. Le grand bruit augmentait toujours. Il y avait des moments où ça sifflait aigre et strident, comme dans un paroxysme d'exaspération méchante, et puis d'autres où cela devenait grave, caverneux, puissant comme des sons immenses de cataclysme, et on sautait toujours d'une lame à l'autre, et à part la mer qui gardait encore sa mauvaise blancheur de bave et d'écume, tout devenait plus noir. Un crépuscule glacial tombait sur nous. Derrière ces rideaux sombres, derrière toutes ces masses d'eau qui étaient dans le ciel, le soleil venait de disparaître, parce que c'était l'heure. Il nous abandonnait, et il allait falloir se débrouiller dans cette nuit. Yves était monté avec les bâbordais dans ce désarroi de la mâture, et alors je regardais en haut, aveuglé moi aussi, ne percevant plus que par instant la grappe humaine en l'air. Et tout à coup, dans une plus grande secousse, la silhouette de cette grappe se rompit brusquement, changea de forme. 2 corps s'en détachèrent et tombèrent les bras écartés, dans les volutes mugissantes de la mer, tandis qu'un autre s'aplatit sur le pont, sans un cri, comme serait tombé un homme déjà mort. Encore le marchepied cassé, dit le maître de quart en frappant du pied avec rage. Du filin pourri qu'ils ont donné dans ce sale port de Brest. Le grand carboule à la mer, le second, qui est-ce? D'autres, raccrochés par les mains à des cordages, un instant balancés dans le vide, remontaient maintenant à la force des poignets, en se dépêchant très vite comme des singes. Je reconnus Yves, un de ceux qui grimpaient, et alors je repris ma respiration que l'angoisse avait coupée. Ceux qui étaient à la mer, on jeta bien des bouées pour eux, mais à quoi bon? On aimait encore mieux ne plus les voir reparaître, car alors, à cause de ce danger de tomber en travers à la lame, on n'aurait pas pu s'arrêter pour les reprendre. Il aurait fallu avoir ce courage horrible de les abandonner. Seulement, on fit l'appel de ceux qui restaient, pour savoir le nom du second qu'on avait perdu. C'était un petit novice très sage, que sa mère, une veuve déjà âgée, était venue recommander au maître avant le départ de France. L'autre, celui qui s'était écrasé sur le pont, on le descendit tant bien que mal à quatre, en le faisant encore tomber en route. On le porta dans l'infirmerie, qui était devenue un cloque immonde, où bouillonnaient deux pieds d'eau boueuse et noire, avec des fioles brisées et des odeurs de tous les remèdes répandus, pas même un endroit où le laisser finir en paix. La mère n'avait seulement pas de pitié pour ce mourant. Elle continuait de le faire danser, de le sauter de plus belle. Il avait retrouvé une espèce de son de la gorge, un râlement qui sortait encore, perdu dans tous les grands bruits des choses. On aurait peut-être pu le secourir, prolonger son agonie, avec un peu de calme. Mais il mourut là assez vite, entre les mains d'infirmiers devenus stupides de peur, qui voulaient le faire manger. 8 heures du soir. À ce moment, la charge du car était lourde, et c'était à mon tour de la prendre. On se tenait comme on pouvait, on ne voyait plus rien. On était au milieu de tant de bruit que la voix des hommes semblait n'avoir plus aucun son. Les sifflets d'argent forcés à pleine poitrine perçaient mieux comme des chants flûtés de tout petits oiseaux. On entendait des coups terribles frappés contre les murailles du navire, comme par des béliers énormes. Toujours les grands trous d'eau qui se creusaient, tout béants, partout. On s'y sentait jeté, tête baissée, dans la nuit profonde. Et puis une force vous heurtait d'une poussée brutale, vous relançait très haut en l'air, et toute la Médée vibrait, en ressautant comme un monstrueux tambour. Alors on avait beau se cramponner, on se sentait rebondir, et vite on se recramponnait plus fort, en fermant la bouche et les yeux, parce qu'on devinait d'instinct sans voir que c'était le moment où une épaisse masse d'eau allait balayer l'air, et peut-être vous balayer aussi. Tout cela recommençait, ces chutes en avant et puis ces sauts avec l'affreux bruit de tambour. Et après chacun de ces chocs, il y avait encore des ruissellements de l'eau qui retombaient de partout, et 1000 objets qui se brisaient, 1000 cassons qui roulaient dans l'obscurité, tout cela prolongeant en queue sinistre l'effroi du premier grand bruit. Et les gabiers, et mon pauvre Yves, que faisaient-ils là-haut? Les mâts, les vergues, on les apercevait par instants, dans le noir, en silhouette, quand on pouvait encore regarder à travers cette douleur cuisante que causait la grêle. On apercevait ces formes de grandes croix, à 2 étages, comme les croix russes, agitées dans l'ombre, avec des mouvements de détresse, des gestes fous. « Faites-les descendre, me dit le commandant, qui préférait le danger de se hunier non serré à la peur de perdre encore des hommes. » Je le donnais vite avec joie cet ordre-là, mais Yves d'en haut me répondit à l'aide de son sifflet que c'était presque fini, plus que la jarretière du poing qui était cassée à remplacer par un bout quelconque, et puis ils allaient tous descendre ayant serré leur voile, achever leur ouvrage. Après, quand ils furent tous en bas et au complet, je respirai mieux, plus d'hommes en l'air, plus rien à faire là-haut, plus qu'à attendre. Oh, alors je trouvais qu'il faisait presque beau, qu'on était presque bien sur cette passerelle, à présent qu'on m'avait enlevé le poids si lourd de cette inquiétude. Chapitre 28. Minuit, la fin du quart, l'heure d'aller se chercher un abri. En bas, dans la batterie calfeutrée, c'était la tempête, avec ses dessous de misère, avec ses réalités pitoyables. D'un bout à l'autre, on voyait cette sorte de longue halle sombre, à demi éclairée par des fanaux qui vacillaient. Les gros canons, appuyés sur leurs jambes de force, se tenaient tant bien que mal, cordés par des câbles de fer. Et tout ce lieu remuait. Il y avait les mouvements d'une chose qu'on secourait dans un crible, qu'on secourait sans trêve, sans merci, perpétuellement, avec une rage aveugle. Il craquait de partout. Il avait des tressaillements de choses animées qui souffrent, tiraillées, exténuées, comme près de s'éventrer et de mourir. et les grandes eaux du dehors qui voulaient entrer filtraient çà et là, en filets, en gerbes sinistres. On se sentait soulever si vite que les jambes pliaient. Et puis les choses se dérobaient, les choses s'enfonçaient sous les pas, et on descendait avec tout, en se raidissant malgré soi, comme pour une espèce de résistance. Il y avait des sons aigres, faux, étonnants, qui sortaient de partout. Toute cette membrure en forme d'oiseau de mer, qui était l'Amédée, se disjoignait peu à peu, en gémissant sous l'effort terrible. Et dehors, derrière le mur de bois, toujours le même grand bruit sourd, la même grande voix d'épouvante. Mais tout tenait bon quand même. La longue batterie demeurait intacte. On la voyait toujours, d'un bout à l'autre, par moments, toute penchée, à demi retournée, ou bien se redressant toute droite, avec une secousse, ayant l'air plus longue encore dans cette obscurité, où les fanaux étaient perdus, paraissant se déformer et grandir, dans tout ce bruit, comme un lieu vague de rêve. Au plafond très bas étaient pendues d'interminables rangées de poches en toile, gonflées, toutes par un contenu lourd, ayant l'air de saignées que les araignées accrochent aux murailles. Des poches grises enfermant chacune un être humain, des hamacs de matelots. Çà et là, on voyait pendre un bras ou une jambe nue. Les uns dormaient bien, épuisés par les fatigues. D'autres s'agitaient et parlaient tout haut dans de mauvais songes. Et tous ces hamacs gris se balançaient, se frôlaient dans un mouvement perpétuel. Ou bien se heurtaient durement et les têtes se blessaient. Sur le plancher, au-dessous des pauvres dormeurs, c'était un lac d'eau noire qui roulait de droite et de gauche, entraînant des vêtements souillés, des morceaux de pain ou de biscuits, des soupes chavirées, toutes sortes de détritus et de déjections immondes. Et, de temps en temps, on voyait des hommes hâves, défaits, demi-nus, grelottant avec leurs chemises mouillées, qui erraient sous ces rangées de hamacs gris, cherchant le leur eux aussi, cherchant leurs pauvres couchettes suspendues, leur seul gîte un peu chaud, un peu sec, où ils allaient trouver une espèce de repos, passaient en titubant, s'accrochant pour ne pas tomber, et heurtant de la tête ceux qui dormaient. Chacun pour soi en pareil cas, on ne prend plus garde à personne. Leurs pieds glissaient dans les flaques d'eau et d'immondices. Ils étaient insouciants de leur malpropreté comme les animaux en détresse. Une buée lourde à respirer emplissait cette batterie. Toutes ces ordures qui roulaient par terre donnaient l'impression d'un repaire de bêtes malades, et on sentait cette puanteur âcre qui est particulière au bas-fond des navires, pendant les mauvais jours de la mer. À minuit, Yves lui aussi descendit dans la batterie avec les autres gabiers de bâbord. Ils avaient fait un supplément de quart d'une heure à cause des embarcations qu'il avait fallu ressaisir. Ils se coulèrent par le panneau entrebâillé qui se referma sur eux et vinrent se mêler à cette misère flottante. Ils avaient passé 5 heures à leur rude travail, balancés dans le vide, éventés par les grands souffles furieux de là-haut, et tout trempés par cette pluie fouettante qui leur avait brûlé le visage. Ils firent une grimace de dégoût en pénétrant dans ce lieu fermé, où l'air sentait la mort. Yves disait avec son grand air dédaigneux, « Pour sûr, c'est encore ces Parisiens qui nous ont apporté la peste ici. » Ils n'étaient pas malades, eux, qui étaient de vrais matelots. Ils avaient encore la poitrine dilatée par tout ce vent de la Hune, et la fatigue saine qu'ils venaient d'endurer allait leur donner un peu de bon sommeil. Ils marchaient sur les boucles, sur les taquets, sur les bouts des affûts avec précaution, pour éviter l'eau boueuse et les ordures, posant leurs pieds nus sur toutes les saillies, se perchant avec des frayeurs de chatte. Près de leur hamac, ils se déshabillèrent, suspendant leurs bonnets, suspendant leurs grands couteaux à chaîne de cuir, leurs vêtements trempés, suspendant tout, et se suspendant eux-mêmes, et quand ils furent nus, ils époussetèrent de la main un peu d'eau, qui ruisselait encore sur leur poitrine dure. Après quoi, ils s'enlevèrent au plafond avec une légèreté de clown, et s'étendirent tout contre les poutres blanches dans leur étroite couchette de toile. En haut, au-dessus d'eux, après chaque grande secousse, on entendait comme le passage d'une cataracte. C'étaient les lames, les grandes masses d'eau qui balayaient le pont. Mais la rangée de leur hamac prit, quand même, le balancement lourd des rangées voisines, en grinçant sous les crocs de fer, et eux s'endormirent profondément au milieu du grand bruit terrible. Bientôt, autour du hamac d'Yves, les femmes birmanes vinrent danser. Au milieu du nuage d'encens, rendu plus ténébreux par le rêve, elles arrivèrent l'une après l'autre, avec leurs sourires morts, en d'étranges costumes de soie, toutes couvertes de pierreries. Elles balançaient leurs hanches mollement, au son du gong, tenant leurs mains en l'air et leurs doigts écartés comme les fantômes. Elles avaient des contournements épileptiques des poignets, qui faisaient s'enchevêtrer leurs longues griffes enfermées dans des étuis d'or. Le gong, c'était la tempête qui en jouait dehors, contre les murailles. Chapitre 29. Moi aussi, à minuit, quand j'eus fini mon quart et vu descendre Yves, je rentrai dans ma chambre pour essayer de dormir. Après tout, cela ne nous regardait plus, ni l'un ni l'autre, le sort du navire. Nous avions fourni notre temps de veille et de travail. Nous pouvions nous coucher maintenant avec cette insouciance absolue qu'on a sur mer lorsque les heures de service sont finies. Dans ma chambre à moi, qui était sur le pont, l'air ne manquait pas, au contraire. Par les vitres brisées, toutes les rafales et la pluie furieuse pouvaient entrer. Les rideaux se tordaient en spirale et montaient au plafond avec des bruits d'ailes. Comme Yves, je suspendus mes vêtements mouillés. L'eau ruisselait sur ma poitrine. On était guère bien dans ma couchette, j'y fus vite endormi pourtant, par excès de fatigue. Roulé, secoué, à demi chaviré, je me sentais m'en aller de droite et de gauche, et ma tête se heurtait sur le bois, douloureusement. J'avais conscience de tout cela dans mon sommeil, mais je dormais. Je dormais et je rêvais d'Yves. De l'avoir vu tomber dans le jour, cela m'avait laissé une espèce d'inquiétude, et comme la notion vague d'avoir été frôlé de près par une chose sinistre. Je rêvais que j'étais couché dans un hamac, comme autrefois au temps de mes premières années de mer. Le hamac d'Yves était près du mien. Nous étions balancés terriblement, et le sien se décrochait. Au-dessous de nous, il y avait une agitation confuse de quelque chose de noir, qui devait être l'eau profonde, et lui allait tomber là-dedans. Alors je cherchais à le retenir avec mes mains, qui n'avaient plus de force, qui étaient molles comme dans les rêves. J'essayais de le prendre à bras le corps, de nouer mes mains autour de sa poitrine, me rappelant que sa mère me l'avait confié. Et je comprenais avec angoisse que je ne le pouvais pas, que je n'en étais plus capable. Il allait m'échapper et disparaître dans tout ce noir mouvant qui bruissait au-dessous de nous. Et puis, ce qui me faisait peur, c'est qu'il ne se réveillait pas et qu'il était glacé, d'un froid qui me pénétrait moi aussi jusqu'à la moelle des os. Même la toile de son hamac était devenue rigide, comme la gaine d'une momie. Et je sentais dans ma tête les vraies secousses, la vraie douleur de tous ces chocs. Je mêlais ce réel avec l'imaginaire de mon rêve, comme il arrive dans les états d'extrême fatigue. Et alors la vision sinistre en prenait d'autant plus d'intensité et de vie. Ensuite, je perdis conscience de tout, même du mouvement et du bruit, et ce fut alors seulement que le repos commença. Quand je me réveillais, c'était le matin. La première lumière était de cette couleur jaune, qui est particulière au lever du soleil, les jours de tempête, et on entendait toujours le même grand bruit. Yves venait d'entr'ouvrir ma porte et me regardait. Il était arc-bouté dans l'ouverture, se tenant d'une main, penchant son torse en avant et en arrière, suivant les besoins de l'instant, pour conserver son équilibre. Il avait repris ses pauvres vêtements mouillés, et il était tout couvert du sel de la mer, qui s'était déposé dans ses cheveux, dans sa barbe, comme une poussière blanche. Il souriait, l'air tranquille et très doux. « J'avais envie de vous voir, dit-il, c'est que j'ai beaucoup rêvé sur vous cette nuit. Tout le temps j'ai vu ces bonnes femmes de Birmanie avec leurs grands ongles en or, vous savez. Elles vous entouraient avec leurs mauvaises singeries, et je ne pouvais pas réussir à les renvoyer. Après cela, elles voulaient vous manger. Heureusement qu'on a sonné le branle-bas. J'en étais tout en sueur de la peur que ça me faisait. Ma foi, moi aussi, je suis content de te voir, mon pauvre Yves, car de mon côté, j'ai beaucoup rêvé sur toi. Est-ce qu'il faisait toujours aussi mauvais qu'hier? Peut-être un peu plus maniable, et puis voilà le jour. Tant qu'il fait clair, vous savez, c'est toujours mieux pour travailler dans la mature. Mais quand il fait aussi noir que dans le trou du diable, comme cette nuit, ça ne va pas du tout. » Yves promena un regard de satisfaction tout autour de ma chambre, installé par lui en prévision du gros temps. Rien n'avait bougé grâce à son arrangement. Par terre, c'était bien un lac d'eau salée sur lequel diverses choses flottaient. Mais les objets auxquels je tenais un peu étaient restés suspendus ou fixés, comme les meubles, aux panneaux des murs, par des clous et des cornières de fer. Tout était cordé, ficelé, attaché avec un soin extrême, au moyen de cordes goudronnées de toutes les grosseurs. On voyait des armes, des bronzes noués avec des vêtements dans un pêle-mêle bizarre. Des masques japonais à longue chevelure humaine nous regardaient à travers des treillis de ficelles au goudron. Ils avaient le même rire lointain, le même tirement d'yeux que ces femmes birmanes aux ongles d'or, qui avaient voulu me manger dans le rêve d'Yves. Une sonnerie de clairon tout à coup alerte et joyeuse, le rappel au lavage. ce clairon avait des vibrations grêles, un peu argentines, dans ce beuglement formidable du vent. Laver le pont quand les lames déferlent dessus, cela semblerait une opération très insensée à des gens de terre. Nous ne trouvions pas cela trop extraordinaire. Cela se fait tous les matins, ce lavage, toujours et quand même. C'est une des règles primordiales de la vie maritime. Et Yves me quitta en disant, comme s'il se fût agi de la chose du monde la plus naturelle. « Ah, je m'en vais à mon poste de propreté, alors !» Cependant, ce clairon avait péché par excès de zèle, et sonnait sans ordre, à son heure habituelle, car on ne lava pas le pont ce matin-là. On sentait bien que c'était plus maniable, comme disait Yves, les mouvements étaient plus allongés, plus réguliers, plus semblables à des balancements de houle. La mer était moins dure, et on n'entendait plus tant de ces grands chocs aux bruits profonds et sourds. Et puis le jour arrivait, un vilain jour, il est vrai, une étrange lividité jaune, mais enfin c'était le jour, moins sinistre que la nuit. Notre heure n'était pas venue sans doute, car le surlendemain, nous retrouvâmes le calme dans un port, en Chine, à Hong Kong. Chapitre 30. Septembre 1877. La Médée a rebroussé chemin depuis longtemps. Tous les vents, tous les courants l'ont favorisée. Elle a marché si vite pendant des jours et des nuits, qu'on en a perdu la notion des lieux et des distances. Vaguement, on a vu passer le détroit de Malacca, franchi à la course, la mer Rouge remontée à la vapeur dans un éblouissement grand lion couché de Gibraltar. Maintenant, on veille l'horizon, et la première terre qui paraîtra tout à l'heure sera une terre bretonne. Je suis arrêté, moi, sur cette Médée, juste pour finir la campagne, et cette fois ma promenade avec Yves n'aura pas duré 5 mois. Au milieu de l'étendue grise, il y a maintenant des traînées blanches, puis une tour avec 2 petits îlots sombres, éparpillés. Tout cela encore très lointain et à peine visible sous le mauvais jour terne qui nous enveloppe. Nous nous figurions sans peine être encore là-bas, dans cette extrême Asie, que nous avons quittée hier, car les choses à bord n'ont pas changé de place, ni les visages non plus. Nous sommes toujours encombrés de chinoiseries. Nous continuons à manger des fruits cueillis là-bas, et encore verts, nous traînons avec nous des odeurs chinoises. Mais pas du tout, notre maison s'est déplacée singulièrement vite. Cette tour et ces îlots, ce sont les pierres noires. Restez là, tout près, et avant la nuit, nous y serons entrés. Toujours une émotion de souvenir quand reparaît cette grande rade de Brest, imposante et solennelle, et ces grands navires de la marine à voile, qu'on est déshabitué de voir ailleurs. Toutes mes premières impressions de marine, toutes mes premières impressions de Bretagne, et puis enfin, c'est la France. Le Borda, là-bas, je le regarde, et je retrouve dans ma mémoire le bureau sur lequel j'ai passé, accoudé de longues heures d'études, et le tableau noir sur lequel j'écrivais fiévreusement, avant l'examen, les formules compliquées de la mécanique et de l'astronomie. Yves, à cette époque, était un petit garçon, qu'on eût dit sérieux et sage, un petit novice breton, à la figure très douce qui habitait le vaisseau d'à côté, la Bretagne, le voisin et le compagnon du Borda. Nous étions des enfants alors, aujourd'hui des hommes faits. Demain, la vieillesse, après-demain, mourir. Chapitre 31. Dimanche, jour de grande soulerie dans Brest. 10 heures du soir. Nuit calme, clair de lune sur la mer tranquille, à bord de la Médée. Les matelots ont fini de chanter leur longue chanson, et le silence vient de se faire. Depuis la tombée de la nuit, mes yeux sont tournés vers les lumières de la ville. J'attends avec inquiétude cette chaloupe dont Yves est le patron. Elle est allée à terre et ne revient pas. Enfin, voici son feu rouge qui s'avance, en retard de 2 heures. La mer est sonore la nuit. Déjà, on entend des cris qui se mêlent au bruit des avirons. Il doit se passer dans cette chaloupe d'étranges choses. Elle est à peine accostée. 3 maîtres ivres, furieux, se précipitent à bord et me demandent la tête d'Yves. Qu'on le mette au fer pour commencer, qu'on le juge et qu'on le fusille après, car il a frappé ses supérieurs en service. Yves est là, debout, tremblant de la lutte qu'il vient de soutenir. Ces 3 maîtres l'ont battu, ou du moins ont essayé de le battre. Il croyait me faire du mal, dit-il avec mépris, et il jure qu'il n'a pas rendu les coups de ces 3 vieux. D'ailleurs, il les eut chavirés ensemble du revers de sa main. Non, il les a laissés s'accrocher à lui et le déchirer. Ils lui ont égratigné le visage et mis ses vêtements en lambeaux, parce qu'il refusait de leur laisser conduire la chaloupe, à eux qui étaient ivres. Tous les chaloupiers aussi sont ivres par la faute d'Yves, qui les a laissés boire. Et les 3 maîtres se tiennent toujours là, tout près de lui, continuant de crier, de l'injurier, de le menacer, 3 vieux ivrognes grotesques dans leur bégaiement de fureur, et qui seraient très risibles si la discipline implacable n'était pas derrière eux pour rendre ces deux scènes affreusement graves. Yves debout, les poings serrés, les cheveux tombés sur le front, la chemise déchirée, la poitrine toute nue, à bout de courage pour endurer ses injures, prêt à frapper en appel à moi du regard dans sa détresse. Oh, la discipline militaire, à certaines heures, elle est bien lourde. Je suis l'officier de quart, moi, et il est contre toutes les règles que je m'en mêle autrement que par des paroles calmes, et en les remettant tous à la justice du capitaine d'armes. Contre toutes les règles aussi, je saute à bas de la passerelle, et je me jette sur Yves. Il était temps. Je passe mes bras autour de ses bras à lui, que j'arrête ainsi dans les miens au moment terrible où ils allaient frapper. Et je les regarde, les autres, qui alors, en présence de ce renversement de la situation, battent en retraite comme des chiens devant leur maître. Heureusement, c'est la nuit, il n'y a pas de témoins. Les chaloupiers seuls, et ils sont ivres. Puis d'ailleurs, je suis sûr d'eux, ce sont de braves enfants. Et s'il faut aller devant un conseil, ils ne nous chargeront pas. Alors je prends Yves par les épaules, et passant devant ses trois ennemis, qui se rangent pour nous faire place, je l'emmène dans ma chambre et l'y enferme à double tour. Là, pour le moment, il est en sûreté. On m'appelle chez le commandant, que tout ce bruit a réveillé. Hélas, il faut le lui expliquer. Et j'explique, en atténuant le plus possible la faute de mon pauvre Yves. J'explique, après, pendant quelques mortelles minutes, je supplie, je crois, que je n'avais supplié de ma vie. Il me semble que ce n'est plus moi qui parle. Et tout ce que je puis dire ou faire vient se briser contre le raisonnement glacial de cet homme, qui tient entre ses mains cette existence d'Yves qu'on m'a confiée. J'ai bien réussi là-haut à écarter le plus grave, la question des coups donnés à des supérieurs. Mais restent les outrages et le refus d'obéissance. Yves a fait tout cela dans le fond. C'est peut-être inique et révoltant, dans la lettre c'est vrai. Ordre de le mettre au fer tout de suite pour commencer, et de l'y envoyer conduire par la garde à cause de ce bruit et de ce scandale. Pauvre Yves, c'était la fatalité acharnée contre lui, car cette fois il n'était pas bien coupable. Et tout cela arrivait maintenant qu'il était plus sage, maintenant qu'il faisait de grands efforts pour ne plus boire et se bien conduire.